N'écoute plus les podcasts en solo. Avec le label Podzob, les podcasts s'écoutent à deux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Aujourd'hui, du cinéma qui n'a pas toujours eu les honneurs du cinéma, mais qui fait plaisir, enfin de temps en temps en tout cas. Le cinéma comme on aime, le cinéma sans prétention, sans... Enfin bref, vous allez voir, on vous a concocté un petit menu, c'est digne du McDo. En entrée, je vais vous proposer Scalp, une sorte de western horrifique. Puis, en plat principal, nous aurons Fantasme, le premier volet de la série de Don Coscarelli. Au dessert, le corbeau vous parlera de Jason X, personnellement mon vendredi 13 préféré avant le remake, évidemment. Et enfin, pour terminer sur un petit goût... je sais pas trop comment le qualifier, nous finirons avec Wishmaster 4. Bon, vous êtes prêts? Allons-y pour Scalp. Et alors là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Lorsque j'ai lancé ce Scalp sur Amazon Prime Video, je pensais qu'il s'agissait d'un bed slasher avec une Amérindienne en boogeyman. Une sorte de Vendredi 13 avec un skin western, en quelque sorte. Mais il n'en est rien. Enfin, c'est un survival western, et il y a bien une indienne qui scalpe des cow-boys. Mais ces derniers sont d'infâmes salopards de confédérés qui ont massacré son village. Pour résumer dans l'ordre, une troupe de renégats confédérés massacre un village indien dans le but de ramener la fille du chef à leur colonel qui souhaite en faire son jouet sexuel. Elle s'évade malgré ses blessures, et trouve refuge chez un fermier. Ce dernier est un ancien de la troupe des renégats, mais malgré tout ce qui les oppose, ils vont devoir s'unir pour survivre à la traque que leur livrent les soldats. Et ben, c'est bien mieux que ce que je pensais. Surtout pour un film écrit par Bruno Mattei et réalisé par Bruno Mattei et Claudio Fragasso, sous pseudonyme. En fait, ça me fait penser au syndrome Strike Commando, du même duo. Je m'attendais à une merde sans nom, et au final, c'est plutôt agréable. Je crois que Virus Cannibal, Les Rats de Manhattan ou Troll 2 me font toujours craindre le pire quand je vois le nom de ces deux zozos. Ici, on a de chouettes décors, du gore, des scènes de torture un peu vénères, et des réactions débiles. Bon ok, pas au point du militaire en tutu quand même, mais ces renégats sont quand même très très cons. Sans crier au chef-d'œuvre évidemment, et ben j'ai passé un bon moment. Bon, et maintenant, le plat principal, à savoir Fantasme. Heureusement que je l'ai tiré au hasard avant de tirer le 3. Il me semble que ça fait déjà plusieurs fois que je vois les 4 premiers, et je continue à ne rien y comprendre, et à les mélanger. Alors cette fois-ci, c'est la bonne, je vais me concentrer. Attention, c'est tout de même une série que j'aime beaucoup, notamment pour son étrangeté et son croque-mitaine. Et ben, même en étant concentré, putain, c'est pas facile à résumer. Mike, son grand frère Jody et leur pote Reggie se retrouvent, un peu malgré eux, confrontés à des morts étranges dans leur patelin. Très vite, ils se rendent compte que le croque-mort est bien plus étrange qu'il n'y paraît, et qu'il serait la cause de toutes ces morts. Ils seront confrontés à des sortes d'Ewok maléfiques, à des sphères volantes perceuses de crâne, mais qui est vraiment le Tallman, cet effrayant croque-mort donc, et où conduit son mausolée. Comme vous l'aurez sans doute compris, on est sur du cryptique, de l'onirique, et on est assez loin d'un Vendredi 13 ou autre détour mortel. La musique a une petite patte un peu italienne, et l'ombre d'un Fulci de la grande époque semble flotter sur ce film de Don Coscarelli. Et comme pour Fulci, l'ambiance et le ressenti priment sur la compréhension de l'œuvre. Après tout, pourquoi s'encombrer de points de détail lorsque l'on peut se laisser porter par cette vague cauchemardesque? Bon bah maintenant faut que je trouve le 2 et le 4, et le 5 je crois, et j'aurai la série complète. Voilà, j'espère que le plat principal vous plaira à vous aussi, et maintenant je vous propose donc le petit dessert. Puisqu'on en parle depuis les deux premières chroniques, voici venir Jason et Jason X, servi par le corbeau. On l'écoute. Notre bon Jason a été capturé par l'armée, qui veut faire des expériences sur lui pour étudier ses capacités régénératives. Malheureusement, comme les gens n'apprennent jamais rien, et que les militaires sont des cons, Jason se libère et les massacre tous. Mais heureusement, Rowan arrive à le cryogéniser avant de succomber et de finir façon Picard elle aussi. Quelques années après, en fait 450 ans, un vaisseau spatial revient sur la Terre devenue inhabitable et retrouve nos deux amants tragiques. Jason et Rowan. Ils ramènent cette dernière à la vie, pif paf, bienvenue dans le monde de demain, sans que cela ne la fasse vraiment sourciller. Malheureusement, Jason, qui normalement était en trop mauvais état, se réveille à cause d'étudiants en chaleur copulants. Quel pudibond ce Jason. À part le pape, Jamais vu un type aussi chiant. Et notre gros mongolo, pas aller jouer à « viens ici que je t'embroche » dans le vaisseau avec tout l'équipage. Oui, le scénario est con comme un député et les filles. Alors ce film est le 10e d'une franchise qui n'en méritait pas tant. C'est un sous-Halloween de bas étage, vite torché, avec de belles gosses et des bellâtres aux hormones en feu qui finissent mal selon l'inventivité et les outils disponibles. Ce 10e film est un pompage éhonté d'Aliens. Et encore, j'ai vu des pompages dans des films pour adultes qui étaient moins frénétiques. Tout y est, la menace, l'équipage qui se fait décimer, les Marines, le gars Cupid qui veut espérer tirer profit de Jason, l'androïde, et même la reine sous la forme de Super Jason. Ça tourne très vite au film de couloir avec trois décors. Et n'est pas James Cameron qui veut. Ça manque d'ampleur, c'est très plan-plan, Jason apparaît façon droupie et disperse, ventile. Autant le scénar est con, autant c'est totalement assumé dans le n'importe quoi. Le scénariste pousse les potards au max. Et je dois admettre qu'on se retrouve avec le film le plus fun de la franchise. Vous me direz, c'est pas difficile. Mais bon, le Super Jason et la reconstitution virtuelle de Crystal Lake m'ont tiré un sourire. Bref, un film débile, mais qui le fait bien. Je recommande. Ouh bah dis, j'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru qu'il avait pas aimé. Alors que Jason X, honnêtement, c'est le meilleur juste après le remake. Et encore, le remake est bon uniquement parce qu'il condense 4 films en un seul. Et c'est déjà pas mal. Bon, histoire de pas rester sur une note aussi guirette, je vous propose de terminer donc avec Wishmaster 4. Et c'est encore un film tiré au dé, mais je retrouve le côté un peu taquin de mon dé. Alors bon, j'ai lancé ce magnifique Wishmaster 4, et bon, alors déjà je dois dire que j'aime vraiment beaucoup les deux premiers qui sont d'excellentes séries B aussi méchantes qu'efficaces, et à qui Andrew Dimoff apporte énormément. Et ben, première déception, il a quitté le navire. Et a raison selon moi. Seconde déception, le jean est absolument raté. On le croirait sorti d'un épisode de Power Rangers de contrefaçon. La vache, j'en ai vu des trucs pas cool, mais ça c'est pire que la tête du corbeau après une nuit blanche. Et si ce n'était que ça? Mais c'est aussi stupide que moche. Je sais que je le dis souvent, mais là... Quand même. En plus, c'est en 4 tiers, le format vieille télé par excellence. C'est joué par des savates, comme des savates et pour des couillons comme moi. La musique est inexistante, sauf dans le menu DVD, où elle est plutôt saugrenue, dirons-nous. Et pourtant, le film commence bien. Il y a du pleurnichon gratos, et le film est assez axé cul. Les effets gore sont plutôt corrects, mais n'ont aucun foutu sens. Et surtout, les vœux et leur réalisation ne sont plus aussi vicieux que dans les autres épisodes. En fin de compte, il y a des bons côtés. Un peu mitigé certes, mais sauvable. Mais c'est gâché par un script inepte, un visuel cheap de chez cheap, et un rythme mollasse. Ça me fait beaucoup penser à la saga La Mutante. Deux séries B sympas pour une saga poussive. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le corbeau et moi-même. Moi, je passe toujours un bon moment à raconter mes conneries. J'en profite pour saluer l'ami Doumé de chez Nanarland. Salut Doumé. Merci pour ton écoute régulière et tes retours, ça fait plaisir. D'ailleurs, je compte bien te voir à la nuit Nanarland et ne pas te louper cette fois comme la dernière fois. Voilà, ça c'était un message personnel qui est passé, et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.